Donc, alors, tout ce que Dieu a voulu, on a dit, c'est prédestiné. Tout ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas, n'est pas. Donc, tout ce qui arrive dans ce monde est prédestiné. Et alors, il y a certains, ils citent le hadith. Mais ils le comprennent mal, en fait. C'est pour ça, on a vu la règle, c'est par transmission. Même les hadiths du prophète, il faut savoir que le prophète, il parlait l'arabe littéraire. Le Coran s'est révélé avec le plus haut niveau de la langue, en fait. Et donc, les compagnons, à l'époque, ils comprenaient l'arabe littéraire, donc parfaitement. Ils comprenaient les règles de la croyance, donc ils comprenaient le sens visé facilement, en fait. Alors que maintenant, bien sûr, il faut encore plus d'explications qu'avant, parce que c'est pas le même niveau de la langue. Il y a un hadith, la yaruddu al-qadr al-shay illa al-du'a. Ma ma'na. Ça veut dire ce hadith. Ne veut pas dire ici que le du'a change la prédestination. Ici, le hadith veut dire, le qadr, c'est utiliser le terme qadr. Ça veut dire, c'est utilisé pour désigner la création que Dieu a prédestinée. Ça parle pas de la tribu de Dieu. La tribu de Dieu, on ne qualifie pas de mal. On qualifie de bien. La tribu de prédestination, qui est la tribu de Dieu, il n'est pas qualifié de mal. Qu'est-ce qui est khayri wa bien et mal? C'est-à-dire, la créature que Dieu a prédestinée, parmi elle, il y a le bien et il y a le mal. Dieu, son attribut, on ne le qualifie pas de mal. Yani, sifatullah al-qadr la yusafu annahu shar. Ma alladhi yusaf bi annahu shar huwa al-makhluq alladhi qaddarahu Allah minhu khayr wa minhu shar. La créature que Dieu a prédestinée, parmi elle, il y a le bien et le mal. Donc, le qadr, c'est utilisé pour les choses prédestinées. C'est-à-dire, par le doigt, tu t'évites certaines épreuves, parce que les épreuves sont prédestinées par Dieu. Mais le doigt ne t'évite pas ce qui est prédestiné pour toi personnellement. Ça ne change pas. Donc, quelqu'un, son heure est prédestinée, même c'est tout le médecin qui le soigne ou qui fait tous les doigts par cœur ou tous les remèdes, ben, ça ne changera pas son heure. Mais par tel médicament ou tel doigt, ça t'évite certaines épreuves que Dieu a prédestinées, c'est-à-dire en général. Mais ce qui est prédestiné personnel pour toi, ça ne change pas. Ça, c'est une règle absolue. Parce que ça, croire que ce que Dieu t'a prédestiné peut changer, c'est une mécréance. C'est comme dire il y a quelqu'un qui fait changer Dieu. Ça, c'est contraire au fondement même de la croyance musulmane. Donc, ça change les choses que Dieu, c'est-à-dire ça t'évite des épreuves. Et les épreuves sont prédestinées par Dieu. C'est-à-dire les épreuves que Dieu prédestine à certains autres, toi tu les évites par tel doigt. En réalité, pour résumer la chose, c'est que chaque instant est prédestiné par Dieu. Chaque parole que tu vas dire, chaque pensée, c'est-à-dire c'est prédestiné que tu vas naître à tel moment. Tu vas apprendre, tu vas aller avec un enseignant, il va t'enseigner tel doigt, que tel jour tu vas aller dire à telle heure, telle seconde, et que tu auras telle chose à tel moment, ou que sans doigt tu auras telle chose, ou que tu feras le doigt et que tu n'auras pas forcément cette chose exactement. En fait, en réalité, c'est pour ça que le prophète, il a dit que tu ne peux pas savoir le secret de la prédestination. Il a dit, Sayyidina Ali, Sirullah, fala tatakallam. La prédestination, son secret, tu ne veux pas savoir. Mais qu'est-ce que tu dois savoir, c'est que Dieu qui l'a voulu. Si c'est arrivé, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est impossible que ce soit autrement. C'est impossible. Et ils disent savants, la tataharakudaratun illa bi'idni. Un grain de poussière, il ne peut pas bouger sans la volonté de Dieu. C'est impossible. Ils disent, la haraka wa la sukun illa bi'mashi'atillahi takun. C'est-à-dire, un mouvement, une immobilité ne peuvent pas avoir lieu sans la volonté de Dieu. En résumé, c'est ça. Ça, c'est tu dois savoir. Mais pourquoi c'est arrivé à toi à ce moment-là? Ça, tu ne peux pas savoir le secret. Pourquoi tu existes maintenant? Tu aurais pu exister à l'époque de Moïse ou de Saïdna Issa ou de Saïdna Mohammed. Dieu a voulu que tu existes à ce moment. Ce secret-là, tu ne peux pas le savoir. Mais c'est arrivé, c'est Dieu qui l'a voulu. Chaque instant, chaque parole que tu vas dire, chaque idée, tout est créé par Dieu. Ça, c'est la règle, la base de la croyance musulmane. Chaque mouvement, c'est-à-dire le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. Croire que quelque chose peut se passer de Dieu, c'est un shirk, c'est du shirk. C'est-à-dire Dieu peut anéantir le monde en un instant et le créer en un instant. Le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. C'est Dieu qui maintient le monde en existence. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose de logique. Même quand on était petit, même forcément on n'a pas appris au bled, parce qu'ils ont fermé l'enseignement, les Français. Mais toujours on réfléchissait, on dit, quand tu bouges, quand tu dis, ce monde ne peut pas exister sans la volonté de Dieu. Le soleil, il est là sans que rien le tient. Etc. Etc. Alors, aussi, il y a un autre verset qui est cité ici. Donc, bien sûr, on rappelle que la meilleure des nuits, c'est pas la nuit Sha'ban, mais c'est la nuit de Laïl al-Qadr. Laïl al-Qadr, c'est la meilleure des nuits, comme le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine, et Arafa, c'est le meilleur jour de l'année, et la meilleure des nuits, c'est Laïl al-Qadr. Qadr, d'ailleurs, en arabe, veut dire, c'est pas la nuit du destin, en fait, comme c'est traduit, en vrai. Qadr, c'est-à-dire le degré qui a une grande valeur, en fait. C'est ça la bonne traduction. La nuit de la grande valeur. Laylatul Qadr. Laylatul Qadri, comme c'est dit dans le Coran, wa ma adraka ma laylatul Qadri. Alors que la prédestination, al-Qadr, c'est avec une fatha. Et alors que c'est Qadr, laylatul Qadri. C'est-à-dire ce qu'on sur le DEL. Inna anzalnahu fi laylat al-qadr. Il n'a pas dit laylat al-qadri. Al-qadri. C'est-à-dire qu'il y a un qadr. Qadr, ils disent. Qadr, il a une valeur. C'est-à-dire c'est la nuit de la grande valeur, en fait. Ce n'est pas la nuit vraiment du destin. Certains ils l'utilisent pour. Parce que, pourquoi en fait? Parce que Dieu informe aux anges des choses du futur, certaines choses du futur. Et après, c'est pour ça, il y a les chayatines, ils vont écouter au premier ciel, et après, ils vont donner l'information aux charlatans. Des fois, des charlatans, ils montrent à la télé, tel, il va devenir président, ça arrive pour de vrai. Parce que le shaytan, il a entendu les anges du premier ciel, ils discutent de ça. Et il a donné l'information. Ça, mais lui, il peut pas connaître les choses cachées. C'est pour ça le prophète, il dit, Man ata'arrafan aw kahinan bima celui qui va voir un devin et il croit en ce qu'il dit, alors il est devenu mécréant en ce qui est révélé à Muhammad. C'est-à-dire s'il croit que lui, il sait les choses cachées, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait les choses cachées. Même le prophète, il sait pas les choses cachées. Que ce que Dieu lui a révélé. Une fois, le prophète, il a perdu la chamelle. Sa chamelle, il ne savait pas où elle était. Et les mécréants, ils se moquaient de lui. Il dit, ah, lui, c'est un prophète, il ne sait même pas où elle est sa chamelle. Et alors, il leur a dit, Inni la a'lamu illa ma'allamani Allah. Le prophète, ça, il dit, Qul innama ana basharun mithlikum yuha ilay. Il n'y a que Dieu qui est Dieu qui sait tout. Le prophète, c'est un homme, mais c'est le meilleur des hommes. Et il leur a dit, je ne sais que ce que Dieu m'a donné à savoir. Et il m'a informé qu'elle est dans tel lieu. Alors, ça veut dire qu'ils ont fermé la bouche, comme on dit. Ils sont partis voir et c'était exactement. Il leur a répliqué par deux fois. D'une, il a montré les bases et que Dieu qui sait tout. Et lui, c'est un homme, il ne peut pas savoir les choses cachées que par révélation. Et ça montre qu'il est véridique. Et il a dit, Dieu m'a informé de tel lieu. D'ailleurs, une des femmes du prophète, qui était d'origine juive, Safiya, son père, il est venu et il a ramené des chameaux. Il voulait récupérer sa fille. Parce que elle était, quand le prophète il a conquis Khaybar, et parmi ce qu'ils ont pris, il y avait Safiya. Son père, il est venu avec des chameaux. Et dans le chemin, c'est des Arabes, on offre des chameaux. Il a vu que des chameaux étaient très beaux. Il a dit, ces deux-là, je vais les cacher. Ils sont très beaux. Il les a cachés quelque part. Alors le chemin était tout seul. Il est venu au prophète et il est arrivé, il a dit, voilà, vous avez pris ma fille, mais moi je vous donne des chameaux. Le prophète a dit, alors, t'as fait quoi les deux chameaux que t'as cachés dans tel endroit? Après, il s'est converti, il a dit, ah, il y a que j'étais tout seul, il n'y a que Dieu qui peut savoir. Donc c'est Dieu qui t'a révélé. Et il s'est converti à l'islam, son père, après. Il a dit aux autres juifs de se convertir aussi. Parce qu'il a vu, il a dit, ben, tu ne vas pas savoir, quand même. Parce que j'étais seul, c'était dans le chemin. C'est-à-dire Dieu lui a révélé qu'il a caché des chameaux dans tel endroit. Et donc il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait des deux chameaux que tu as cachés dans tel endroit? Donc, alors, il n'y a que Dieu qui sait les choses cachées. Et comme on l'a dit, Dieu ne change pas. Alors, il y a le verset, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Ça veut dire quoi? Le prophète lui a posé cette question. Il a dit, pour expliquer ce verset, parce que certains versets, le prophète, il a expliqué aux compagnons. Il a dit, Yaghfiru dhanban wa yakshifu karban wa yarfa'u qawman wa yadha'u akharin. Il a expliqué, ça veut dire, Dieu change ses créatures. Ça ne veut pas dire Dieu lui change, mais il fait changer. Il a dit, il pardonne un péché, il soulage d'une épreuve, il élève certains peuples, il rabaisse d'autres. Donc Dieu fait changer les créatures, et lui ne change pas. Voilà, Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyir. Donc Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Allah Ta'ala dit: Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ce qui signifie: lorsque mes esclaves t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis celui qui sait tout. Qareeb ay bil 'ilm, c'est-à-dire ici qareeb proche, dont ici veut dire que Dieu il sait tout. Comme il dit dans le Coran, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. C'est-à-dire, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Ici, c'est une métaphore. Comme on dit, le Coran utilise majaz. Ça ne veut pas dire Dieu est à côté de la veine. C'est-à-dire, Dieu sait de. C'est un sens figuré pour montrer Dieu sait de toi plus que toi. Comme dans le Coran, la tahzan inna Allah ma'ana, c'est-à-dire Dieu nous donne la victoire. Ou aina wa ma'akum aina ma kuntum. C'est-à-dire Dieu, il sait tout de vous où que vous soyez. C'est ça que ça veut dire. Où que tu sois, Dieu sait tout de toi. Donc, comme on l'a dit, quand tu invoques, c'est prédestiné que tu vas invoquer et que tu auras ça ou ça, c'est tout est prédestiné. Mais comme nous, on ne sait pas l'avenir, on fait les causes. C'est-à-dire, mais il n'aura lieu que ce que Dieu a voulu. C'est-à-dire, même nous, les conseils qu'on va donner, c'est prédestiné par Dieu. Et la personne va suivre ses conseils ou non, c'est prédestiné par Dieu. Donc, faire attention à certains, en fait, ils disent des douas qui ne sont pas conformes aux règles de la religion. Certaines sectes, malheureusement, comme on a dit l'autre fois, les faux soufis, là, comme on a parlé, comme ils ont le grand Zawiya de Birken, là, je crois. Et bah, en fait, ces gens-là, à l'origine, on trouve des savants. Après, qu'est-ce qui se passe? Le savant, lui, il a un enseignement correct. Après, certains élèves, après sa mort, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre son fils à chef, alors qu'il n'a pas le niveau du père. C'est là l'erreur qu'ils font, parce qu'il est proche, c'est tout. Alors que si on voit les compagnons, Abou Bakr était calife, après lui, c'est pas son fils, c'était Omar. Omar, son fils, c'était un grand homme dans l'islam, mais il a dit non, on ne mettait pas mon fils. C'est selon la pratique, c'est pas selon l'ascendance. Le prophète, il a dit dans le hadith très connu, Man abta bihi amaluhu, lam yusra bihi nasabuhu. C'est-à-dire, si ses actes ne l'ont pas fait avancer dans la religion, c'est pas son ascendance qui va le faire avancer. Donc c'est ça le danger de des groupes qu'on dit, qui se font appeler soufis, mais ce n'est pas les vrais soufis, parce que les vrais soufis, c'est des grands cheikhs qui étaient dans Qaraouine, qui étaient à Marrakech, comme Qadi Iyad, etc., Sabahatou Rijal, tout ça, Tunisie, etc., dans Zaytouna ou Adra, dans les sud de l'Algérie. Dans tous les pays musulmans, il y avait ces vrais soufis qui apprenaient, qui C'était un cheikh qui enseignait la religion, les gens y pratiquaient. Après, il se passe quoi comme à Berken ou autre là, ou Tijani aussi, j'étais voir en fait, c'est des gens qui gardent le titre, mais la pratique ne suit pas. Ils gardent juste un titre, mais le titre ne suffit pas. Il dit oui, moi je suis tel cheikh, je me réclame de tel cheikh. Mais c'est pas ça dans la religion. C'est ou tu pratiques ou non. Est-ce que tu as appris et tu pratiques? C'est pas non, je suis de la. Je descends de le Bukhari. C'est pas parce que tu es descendant de Bukhari ou de. Que c'est ça qui va faire rentrer au paradis. C'est est-ce que tu as suivi? Lui, il a gagné parce qu'il a suivi. Comme au Sénégal, on dit les mourides. Disent les mourides. Ahmadou Bamba, lui, c'était au Sénégal, c'était un vertueux très connu. Un saint qui a même connu que les Français, quand ils ont combattu, il a prié sur l'eau. Ils n'ont pas laissé prier sur le bateau, il a prié sur l'eau. Et donc, il y a des gens, ils se disent oui, on suit. Et puis, juste par le titre, ils ne pratiquent pas. Pareil pour les Tijani, pareil pour les autres, les Boudjiti ou autres. Il y en a malheureusement, ils gardent le nom du cheikh, mais ils ne pratiquent pas. La religion, ce n'est pas garder le nom d'un cheikh, c'est suivre ce qu'a dit le prophète et le Coran. C'est comme ça. Donc, les grands hommes, comme Abdelkader el-Jailani, dit, si l'élève il voit que le cheikh se trompe, il doit corriger son cheikh. C'est ça, les vrais savants. Sinon, il délaisse son cheikh et suit la religion. Ça, c'est les vrais savants. Ils disent, même à leurs élèves, si je me trompe, corrige-moi. Voilà, par exemple, il y a un hadith et le prophète, il a dit, Inna nadra la yurad, la yaruddu min qadarillahi inal bakhil. Il a dit, le vœu n'empêche pas la destinée de Allah, seulement c'est par le vœu que l'avare donne. Donc, tout ça montre l'importance de la croyance. Il a dit, quelqu'un qui fait le vœu de donner. Ça incite la personne à donner, mais ça ne changera pas ce que Dieu a prédestiné. Donc, aussi, un autre verset, Allah Ta'ala dit, Yamhu Allah ma yasha wa yuthbitu 'indahu umul kitab. Ce qui signifie, Allah efface ce qu'il veut du Coran, il abroge, il confirme ce qu'il veut à partir du Coran, il ne l'abroge pas, et ceci il m'a marqué dans la table préservée. Il y en a certains, justement, ils citent ce verset dans la Mishaban. Ils disent, soi-disant, dans leur dua, qui n'est pas correct, disent, si tu m'as prédestiné pauvre ou éprouvé, alors efface que cela et accorde-moi ceci, cela. C'est ça, en gros, leur dua, mais qui n'est pas correct. On ne peut pas dire n'importe quoi, même dans les invocations. On peut dire Dieu donne-moi ça, donne ceci, cela comme chose licite, bien sûr. Dieu accorde-moi tel bien, la bonne santé, etc. La facilité dans cette vie, etc. Ça, on peut demander. Mais on ne peut pas dire si tu m'as prédestiné telle chose, change. Ça, c'est de la mécréance. Le prophète, quand il a demandé à Dieu qu'il n'y aura pas de guerre dans sa communauté, Dieu lui a dit ce que j'ai. Ya Muhammad, inni idha qadaytu qada'an fa'innahu la yurad. Ce que Dieu a prédestiné ne change pas. Il a dit, Dieu ne m'a pas accordé. Effectivement, ça commençait entre des compagnons, une guerre. Parce qu'il a dit, c'est Dieu a, même le prophète, la mère des créatures, ils ont dit, Dieu ne lui a pas accordé certaines choses, qui est mieux que Djibril. Ça veut dire, le Dora ne change pas la prédestination de Dieu. Donc ce verset-là, eux, ils citent ce verset-là, mais ce verset-là, il a un sens. Les spécialistes de l'exégèse, ils ont expliqué. Ils ont expliqué deux explications. Principal. Parmi ces explications, Yamhu Allah ma yasha wa yuthbitu 'indahu al-kitab, c'est-à-dire, pendant la vie du prophète, Dieu a révélé certains jugements, ensuite, ça a été abrogé. Parce que le Coran était révélé pendant 23 ans. Certaines choses, par exemple, au début, il y avait le choix de jeûner, ce n'était pas obligatoire au début de jeûner. On pouvait jeûner ou on avait le choix de jeûner ou donner une compensation. Après, quelques temps après, c'est venu obligation de jeûner, c'est tout. On délaisse, c'est plus un choix. On est obligé de jeûner, sauf si on a une maladie insupportable, voyage, etc. Donc, pendant la vie du prophète, il y avait certaines choses qui ont été abrogées. C'est ça l'abrogation de Nasr. Donc, ils ont dit le verset Yamhu Allah ma yasha wa yuthbitu 'indahu al-kitab, c'est-à-dire Dieu abroge certains versets ou certains jugements, et tout ça, c'est marqué Umul Kitab, c'est la table préservée. Parce que tout ça, Même tout ce qui est dans le Coran, dans la Torah, l'évangile, les vrais, tout ça, c'est déjà marqué dans la table préservée, Lawh al-Mahfouz. Ça, c'est une des explications la plus forte. Il y a une autre explication qui dit, des savants, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les anges dans leur livret, ils sont marqués, si tu fais tel doha et tu maintiens le lien avec tes proches parents, Dieu te donne, tu vas vivre 20 ans, 80 ans, 20 ans de plus, on va dire. Et si tu fais pas, et tu vivras sans, que 60 ans. Les anges, ils ont noté. Ils savent pas. Après que ça a lieu, ils vont savoir. Qu'est-ce qui change, en fait, c'est dans ce qu'ils ont marqué dans leur livret qui est conditionné. Mais dans la table préservée, c'est marqué qu'il y aura cette situation ou cette situation. Et Dieu, il sait, il a prédestiné que tu vas faire tel doigt, tu vas être bien, tu vas maintenir les liens. Et tu vas éviter telle épreuve, etc. Donc c'est ça. Au final, comme on a dit, tout, chaque instant est voulu, prédestiné. Même ton doigt, il fait partie de la prédestination. Et voilà, il est cité justement le hadith qu'on a dit tout à l'heure. Sa'altu Rabbi arba'an, fa'atani thalathan wa mana'ani wahida. Sa'altu an la yukaffira ummati jumlatan, fa'ataniha. Wa sa'altu an la yuhlikahum bima ahlaka bihi al-umama qablahum, fa'ataniha. وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Donc il a dit, j'ai demandé à mon Seigneur quatre choses. Il m'en a accordé trois, il m'en a pas exaucé une. Je lui ai demandé de faire que ma communauté ne soit pas dans sa totalité mécréante. Il me l'a pas accordé. Je lui ai demandé de ne pas les faire périr par ce par quoi il a fait périr les communautés par avant eux. Il me l'a accordé. Il a dit qu'il n'y a pas tous qui deviennent mécréants, comme ça arrivait avant. Il a lui accordé, c'est-à-dire même si même les Tatars, ils ont tué beaucoup de musulmans, mais il est resté des musulmans. Tout ce qu'ils font, ils manigancent maintenant, mais toujours des musulmans qui apprennent la voie correcte. Et il a dit qu'il a demandé qu'il n'y a pas de guerre entre eux. Dieu lui a pas donné. Et il dit que قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. Ce qui signifie, il m'a dit, oh Muhammad, si je destine quelque chose, elle ne sera pas changée. Il s'est dit dans Sourate Qaf, Allah dit dans Sourate Qaf, ma yubaddalu al-qawl ladayya wa ma ana bidhallamin al-abid. C'est-à-dire, ce que Dieu a décrété, il ne change pas. Et Dieu n'est pas injuste, c'est ça que ça veut dire le verset. Bon, donc, en fait, c'est un cours qu'on a fait dans Khutbah al-Jum'ah. On a mis un doua long, mais qui est correct. Donc là, le doua, donc quelqu'un peut le dire s'il veut, mais au moins il est correct. Donc on peut demander à Dieu, par ses noms parfaits, etc., nous éviter les épreuves, nous faciliter, ça tu peux demander, même le répéter 100 fois. Par le degré du prophète, des anges, etc., etc. Donc, il y a d'accorder une longue vie, tout ça, on peut demander. Mais on ne peut pas dire change-moi ce que tu m'as prédestiné. C'est contraire à l'islam. Mais on demande parce qu'on ne sait pas à l'avenir. On peut demander tout ce qu'on veut, combien, dans cette vie ou dans l'au-delà. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Et ça, Dieu agrée le fait que tu fasses les doigts parce que ça montre que tu as besoin de Dieu. Tu t'humilies pour Dieu. Donc voilà, donc on a fait une bonne révision sur ça, sur tout est voulu, prédestiné, ça c'est une règle importante des fondements même de la croyance. Et ça c'est la base de la religion. Parce qu'au final, quelqu'un qui a la bonne croyance, il a dit le prophète, au final il va aller au paradis, même s'il a fait une montagne de péché. S'il a bien pratiqué, ben, il aura le meilleur degré. Et s'il a fait des péchés, certains Dieu leur pardonne par l'intercession du prophète et certains ils se font châtier puis ils sortiront au final. Et c'est pour ça, c'est important. Et parmi ces fondements-là, c'est la prédestination. Parmi les bases de la croyance, c'est que Dieu donc ne ressemble pas à ses créatures et que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a créé, qui l'a voulu. Ça, c'est vraiment les fondements même de la religion. Alors le problème de ceux qui lisent tout seuls les hadiths ou les livres, ils peuvent croire des fausses croyances. C'est pour ça qu'un compagnon il a dit: Kunna wa nahnu fityaun hazawira ma'an nabi, fata'allamna al-iman qabla al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bi iman. Ils ont appris la foi avant le Coran, ensuite ils ont appris le Coran et cela leur a augmenté en foi. Le prophète leur a appris d'abord les règles de base. Ce n'est pas comme maintenant, il apprend beaucoup de choses, tout le Coran, mais il ne connaît pas les bases. Ce n'est pas obligé d'apprendre tout le Coran, c'est bien, mais il faut passer par les bases avant. Ça, c'est les fondements même de la croyance. C'est avant, ils ont dit les savants, l'enfant, on l'enseigne d'abord la croyance, après la prière, la purification. Après une partie du Coran. C'est comme ça, c'est dans l'ordre. C'est pas on apprend le Coran, langue arabe, il connaît rien à la trompe. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad Tahir Amin. Allahumma aj'al jam'ana hadha jam'an marhum wa tafarruqna min ba'di sami ma'sum wa taj'al fina wa la baynana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi hadha al-majlis dhanban illa ghafartahu wa la dayna illa qadaytahu. ولا مكروبا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم أمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليه نبعث إن شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عايز يا أخي